Chapitre 40e. Madame Clark et Jennings se promenèrent encore quelque temps. Elinor, en silence à côté d'elle, réfléchissait à ce que venait de lui dire Anna. Elle n'avait appris dans le fond que ce qu'elle avait prévu. Le mariage de Lucie et d'Edward était décidé. Le moment seulement était encore incertain. Tout dépendait de cette cure ou de ce bénéfice, et il avait peu de chances d'en trouver un tout de suite. Ces sortes de places veulent de grandes poursuites. Edward était trop timide et peut-être trop fier pour solliciter et n'avait pas de protecteur. Madame Ferrars ne manquerait pas, ainsi qu'elle l'avait annoncé, de lui nuire auprès de leurs connaissances, en leur présentant comme un fils entêté et rebelle, et si Lucie, lasse d'entendre, mais non. Tout prouve qu'elle tient à se marier et à devenir Madame Ferrars à tout prix. Dès que l'amie de Madame Jennings les eut quittés, elles remontèrent en carrosse, et Madame Jennings questionna Elinor sur ce qu'elle avait accroché de Mademoiselle Steels. Mais Elinor, n'aimant pas à répéter des propos écoutés en fraude par le trou de la serrure, se contenta de lui dire ce qu'elle était sûre que Lucie aurait dit elle-même, que son engagement avec Edward subsistait et leur projet d'établissement. Ce fut tout ce que Madame Jennings put obtenir. « Comment ? » dit-elle. « Ils veulent attendre pour se marier qu'il ait un bénéfice, mais c'est de la folie. Tout le monde sait avec quelle difficulté cela s'obtient. » Ceux qui ont un nommé à un bénéfice le donnent à un de leurs parents, ou les vendent bien cher. Peut-être qu'on lui fera de belles promesses pendant une année ou deux, puis il faudra qu'il se contente d'être vicaire de quelques paroisses pour 30 ou 40 pièces. L'intérêt de ces 2 100 ou 200 peut-être que l'oncle Pratt donnera pour l'honneur de marier sa nièce à son noble pupille, voilà tout ce qu'ils auront pour vivre, les pauvres gens. Et avec cela un enfant toutes les années, ils me font bien pitié. Il faut que je voie ce que je pourrais leur donner pour meubler leur presbytère. Quant à la sœur de ma Betty, ce n'est pas ce qu'il leur convient. Il ne leur faut qu'une fille de campagne qui fasse toute la besogne et un homme pour travailler au jardin. Voilà tout ce qu'il leur faut et pas davantage. » Le matin suivant, Elinor reçut par la petite poste une lettre de Lucie qui contenait ce qui suit et qui était assez mal orthographié. « Holborn. » J'espère que ma chère Elinor excusera la liberté que je prends de lui écrire. Mais je sais que son amitié pour moi lui fera trouver un grand plaisir à apprendre que je vais bientôt être heureuse avec mon cher Edward, après bien des peines et des traverses. Nous avons bien souffert, mais à présent tout va bien, et notre amour mutuel est et sera pour nous une source inépuisable de bonheur. Nous avons eu bien des épreuves, bien des persécutions, mais décidés comme nous l'étions à tout surmonter, nous avons tous souffert avec courage. Une amie comme vous fait plus de bien que les ennemis ne peuvent faire de mal. J'ai dit à Edward comme vous aviez été bonne pour moi, et je vous assure qu'il en est bien reconnaissant. Je suis sûr que vous et la chère Madame Jennings vous serez bien aise d'apprendre que je viens de passer 2 heures avec mon bien-aimé Edward, et que j'en suis contente à tout égard. Il n'est rien qu'il ne soit prêt à sacrifier à sa Lucie, et jamais il n'a voulu entendre parler de nous séparer, quelque chose que j'ai pu lui dire, car je pensais qu'il était de mon devoir, quoi qu'il pût m'en coûter, de l'inviter à ne pas se brouiller avec sa mère et à ne pas renoncer à sa fortune. Je suis même allé jusqu'à lui offrir de partir l'instant même et de ne pas revenir à Londres qu'il ne fût marié, mais il a repoussé vivement cette idée. Il m'a juré que jamais il n'épouserait que moi et que la colère de sa mère n'était rien pour lui, puisque je l'aimais et qu'il ne regretterait aucune fortune avec moi. Il est sûr que nos espérances ne sont pas brillantes. Mais nous attendons et peut-être que tout ira mieux que nous le pensons. Il va prendre les ordres incessamment, et s'il peut avoir un bénéfice, ne fût-il que 200 pièces de revenus et une bonne habitation, nous vivrons très bien. S'il était en votre pouvoir, chère Elinor, de nous recommander à ceux qui ont un bénéfice à donner, ne nous oubliez pas, je vous en prie, et dites quelques bonnes paroles pour nous à Sir George, à M. Palmer, au colonel Brandon, etc., etc. Je serai plus heureuse encore si c'est à vous que je dois mon bonheur. Je suis sûre que vous avez été très inquiète, en apprenant la fatale découverte du secret que seul vous saviez et que vous avez si bien gardé. Ma sœur Anna, qui cause toujours sans savoir ce qu'elle dit, n'a pas été aussi discrète, mais comme son intention était bonne et qu'elle a avancé mon bonheur, je ne m'en plains pas. Dites à Madame Jennings que j'étais trop troublé pour pouvoir lui faire une visite, mais que si elle voulait venir à Holborn un de ces matins, ce serait une grande bonté de sa part. Mes cousins seraient fiers de faire sa connaissance. Mon papier fini et m'oblige à vous quitter. Je vous prie de me rappeler au souvenir de Sir George, de Lady Middleton, de Madame Palmer et de tous les charmants enfants, mes plus tendres amitiés à Mademoiselle Maria. Je suis bien sûr que celle qui fait profession d'aimer et d'estimer mon Edward est bien contente de le savoir sur la route du bonheur. Je suis votre très obéissante servante, Lucy Stills. » Dès qu'Elinor eut fini de lire, elle remit la lettre entre les mains de Madame Jennings, pensant que c'était un des buts dans lesquels elle avait été écrite. L'autre n'était pas douteux, elle voulait jouir de son triomphe en humiliant sa rivale. Elinor se rappelait ce que la simple Anna lui avait raconté de l'entretien d'Edward et de Lucy, comme c'était lui qui l'avait pressée de rompre et qu'elle l'avait absolument refusé. Elle disait exactement le contraire, et cette petite fausseté inutile fit de la peine à Elinor. Sa seule consolation aurait été le bonheur d'Edward, et tout lui disait qu'il était impossible jusqu'à cette lettre écrite d'un style si commun et dans un si mauvais esprit. Cependant, tout était décidé. C'était l'épouse d'Edward, c'était sa rivale heureuse, triomphante. Elle chercha à oublier ses torts, à croire qu'elle se les exagérait peut-être, et que du moins Lucy aimerait passionnément son mari et s'en ferait aimer. Madame Jennings, moins difficile, lisait et admirait la lettre de sa jeune parente. « Très bien, très joliment tournée. Est-ce qu'elle lui demande à Edward? Très généreux en vérité, et je ne suis pas surprise qu'il ne l'ait pas acceptée. Il l'en aimera davantage. Pauvres enfants, leur amour me touche au fond de l'âme. Je voudrais leur procurer un bénéfice de tout mon cœur. Voyez, elle m'appelle sa chère Madame Jennings. Bon cœur de fille s'il en fut jamais. Oui, j'irai la voir et l'embrasser, bien sûrement. Comme elle est attentive, comme elle n'oublie personne, pas même les enfants. C'est la plus jolie lettre que j'ai vue de ma vie. Elle me donne grande opinion du cœur et de l'esprit de Lucy. Monsieur Ferrars Bolveré sera heureux comme un prince avec une telle femme. » Quelques jours s'écoulèrent encore sans rien amener de nouveau qu'une impatience très vive et très naturelle de Maria de quitter Londres. La crainte de rencontrer Willoughby ou d'en entendre parler l'obligeait de rester chez elle comme dans une prison. Elle soupirait après le plein air, la liberté et surtout après sa mère. Elinor ne le désirait pas moins, mais elle ne savait comment l'effectuer. Il ne convenait pas à deux jeunes personnes de faire seules un si grand voyage, et la santé si chancelante de Maria y était encore un obstacle. À peine Elinor croyait-elle qu'elle pût le supporter. Elle en parla à leur bonne hôtesse et la consulta sur les meilleurs moyens de lever ses difficultés. Madame Jennings résista à l'idée de leur départ avec toute l'éloquence de sa bonne volonté et de sa tendre amitié. Mais Elinor, mettant toujours en avant la santé de Maria, le besoin évident pour elle de respirer un air plus pur que celui de Londres et son désir d'être à la campagne, Madame Jennings fit une proposition qu'Elinor trouva très acceptable. Les Palmer devaient partir pour leur terre de Cleveland sur la fin de mars, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours. Et Charlotte avait prié sa mère d'y venir avec ses deux jeunes amis passer la semaine de Pâques. M. Palmer s'était joint aussi à sa femme pour les empresser avec beaucoup de politesse. Ses manières avaient tout à fait changé depuis que sa femme lui avait donné un fils. Il aimait cet enfant à la folie, et celle qui le lui avait donné s'en ressentait. Il était plus tendre avec elle, plus honnête avec sa belle-mère, à qui il savait gré d'aimer aussi passionnément le petit garçon, et plus poli, plus doux en général avec tout le monde, et surtout avec Mademoiselle Dashwood. Le malheur et le changement de Maria l'intéressaient, et il aimait à causer agréablement avec Elinor. On se rappelle qu'elle l'avait d'abord jugé plus favorablement que ses manières n'y donnaient lieu. Elle était bien aise de son côté qu'il eût justifié l'idée qu'elle avait eue de lui. Charlotte elle-même, dans son nouvel état de mère, qui l'occupait beaucoup, était aussi devenue moins insignifiante. En sorte qu'Elinor consentit sans peine à ce projet qui les rapprochait d'ailleurs beaucoup de Barton. Mais il fallait que Maria le voulût aussi, et dès les premiers mots qu'Elinor lui en dit, elle s'écria vivement et dans une grande agitation. « Non, non, je ne puis aller à Cleveland. Ne savez-vous pas? N'avez-vous pas pensé? Oh non, non, je ne puis y aller. » « Vous oubliez vous-même, dit doucement Elinor, que Cleveland n'est pas dans le voisinage de... qu'il y a plus de 30 000 de distance et... Mais enfin, il est en Somersetshire, là où je croyais, là où mes pensées ont erré si souvent. Non, Elinor, n'espérez pas de m'y voir jamais. » Elinor ne pouvait pas disputer avec elle sur un sentiment, mais elle tâcha d'en réveiller un autre dans le cœur de sa sœur, en lui représentant que ce serait un moyen de rejoindre plus tôt et d'une manière plus sûre et plus convenable qu'aucune autre leur chère et bonne mère qu'elle désirait si ardemment de revoir. De Cleveland, qui n'était qu'à quelques milles de Bristol, il n'y avait pas plus d'une bonne journée pour se rendre à Barton. Madame Palmer leur donnerait sûrement son carrosse, et les accompagnerait peut-être jusqu'à Bristol, où le domestique de leur mère viendrait les prendre et les escorter jusque chez elle. « Rien ne nous oblige, » dit-elle à Maria, « à rester plus d'une semaine à Cleveland. Ainsi, dans moins de 3 semaines, nous pouvons être à notre chère chaumière. » Maria n'eut rien à répondre. Son affection pour sa mère triompha avec peu de difficulté de ces obstacles imaginaires. Elle réfléchit elle-même que Willoughby et sa femme étant encore à Londres, elle n'aurait pas la chance de les voir dans le Somersetshire, et elle consentit à y aller. Madame Jennings fut la plus contrariée. Elle avait espéré ramener encore ses jeunes amies chez elle en revenant de Cleveland, les garder jusqu'au temps où elle irait chez son gendre Milton et les reconduire elle-même à leur mère. Elinor fut reconnaissante de ce projet, mais ne changea rien à leur dessein. On l'écrivit à Madame Dashwood, qui en fut très contente. Ainsi, le retour fut arrangé de cette manière, et Maria, qui ne croyait trouver de consolation qu'à Barton, comptait les heures qui la séparaient du moment où elle reverrait cette demeure chérie et la meilleure des mères. Le malheur de sa sœur l'avait accablée de nouveau, presque plus que le sien propre. D'abord, elle aimait Elinor plus qu'elle-même, puis il lui semblait que c'était une injustice du sort de ne pas tout accorder à une personne qui avait autant de mérite et de perfection. Le colonel Brandon venait à peu près tous les jours. Madame Jennings se hâta de lui dire la résolution de ses jeunes amis d'aller à Barton de chez les Palmer. « Que deviendrons-nous, colonel ? » lui dit-elle, « sans ces chères filles qui veulent m'abandonner ? Et quand vous viendrez me voir, si du moins vous venez encore, et que vous verrez leur place vide, et la bonne vieille maman Jennings seule et triste dans un coin du salon, qu'aurons-nous de mieux à faire que de bâiller ensemble et de pleurer leur absence ?» La bonne Jennings espérait que cette peinture de leur futur ennui l'amènerait enfin à parler et offrir sa main à Elinor, dont elle le croyait fort épris. Elle crut parfaitement y avoir réussi quand elle le vit s'approcher d'Elinor qui travaillait à côté de la fenêtre à prendre la dimension d'un dessin qu'elle voulait laisser à leur ami. Elle entendit qu'il lui demandait à demi-voix la permission de lui dire quelque chose. Madame Jennings, assise sur le sofa, était assez éloignée d'eux pour ne pas les entendre. D'ailleurs, elle était séparée d'eux par le pianoforte où Maria s'était établie. Mais elle put remarquer que dès les premiers mots du colonel, la physionomie d'Elinor avait exprimé une grande surprise, mêlée d'une vive émotion, qu'elle avait rougi et laissé son travail. Maria cessa un moment son jeu pour choisir un autre morceau. Alors, quelques paroles du colonel vinrent frapper l'oreille de Madame Jennings, qui, sans en avoir l'air, ne pouvait s'empêcher d'écouter. Elle entendit qu'il lui parlait de son habitation future. « Delafort, disait-il, est situé dans un beau pays, et les environs sont agréables. » Mais la maison, quoique commode, est petite, mal bâtie. J'y ferai toutes les réparations nécessaires, etc. » Il n'y avait pas de doute, Elinor devait l'habiter. Mais Madame Jennings trouvait ce compliment et ses réparations assez inutiles, et de Delafort assez beau pour une personne qui habitait la chaumière de Barton. Mais sans doute c'était l'étiquette et l'usage. Aussi entendit-elle avec plaisir Elinor lui répondre, avec un doux sourire, que ce ne serait point un obstacle. Le piano avait recommencé. Elle n'entendit plus rien, mais l'entretien s'animait. Le colonel avait l'air satisfait, et Elinor attendrie et reconnaissante. « Nous y voilà, » pensait-elle. « On ira seulement à la chaumière demander la bénédiction maternelle. Dans moins d'un mois, je la ramène ici pour faire ses emplettes de noces, et avant 6 semaines, tout sera fini. » Un autre silence de Maria lui permit d'entendre le colonel qui disait d'une voix très calme, « Je crains que l'événement que je désire ne puisse pas avoir lieu de sitôt. » Étonnée et choquée de ce que c'était l'amoureux qui semblait demander un délai, elle allait dire quelques mots de surprise, mais elle pensa encore que c'était sans doute ainsi que faisaient les gens du bon ton, d'autant plus qu'Elinor, loin de paraître le moins du monde fâché, lui dit en souriant « Et moi, monsieur, j'espère au contraire qu'à présent il n'y aura plus d'obstacle et que votre généreux sentiment aura bientôt sa récompense. » « C'est clair cela, » pensa Madame Jennings. On pourrait peut-être trouver cela singulier. Quant à moi, j'aime cette franchise. » Mais elle fut surprise après cela de voir le colonel quitter Elinor de sang-froid et bientôt après sortir de la chambre. « Il faut convenir, » pensa-t-elle, « que le cher homme est un peu glacé. Mais il n'est plus très jeune, et si son amour est moins ardent, il durera plus longtemps. » Voilà ce qui s'était passé entre eux pendant cet entretien. « J'ai entendu parler, mademoiselle, » lui avait dit le colonel, « de l'injustice que votre ami, M. Edward Ferrars, a souffert de sa famille. Si je suis bien informé, il a été entièrement repoussé par sa mère, parce qu'il persévère dans ses engagements avec une jeune personne qu'il aime, dont il est aimé, dont sa mère et sa sœur faisaient beaucoup de cas et qui demeurait même chez la dernière comme une amie intime. « Est-ce vrai, mademoiselle? Je m'en rapporte à vous. » Elinor dit que rien n'était plus vrai. La cruauté et le danger de séparer deux jeunes cœurs attachés l'un à l'autre depuis longtemps, dit avec sentiment le colonel, m'ont toujours paru une des responsabilités les plus terribles. Il s'agit du bonheur ou du malheur, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'autre. Ma triste expérience là-dessus me fait trembler. Madame Ferrars ne sait pas ce qu'elle fait, et où elle pouvait entraîner son fils. Le malheur d'être déshérité est bien léger auprès de celui qui l'attendait dans un mariage forcé, et auprès des remords d'avoir manqué à sa parole. Je l'estime de sa noble résistance. Je ne l'ai vu que deux ou trois fois, mais il m'a plu dès le premier moment. C'est un jeune homme plein de mérite, sans aucun des ridicules et des travers si fréquents que l'on a lorsqu'on est élevé avec l'espoir d'une brillante fortune. Je m'intéresse à lui pour lui-même, et parce qu'il est votre ami, et je voudrais que dans ce moment fâcheux, cet intérêt puisse lui être utile. J'apprends qu'il va se faire consacrer et prendre le parti de l'Église, et je le loue encore d'avoir préféré cet état à d'autres plus brillants et moins respectables. Voudriez-vous avoir la bonté de lui dire que le bénéfice de ma terre de Delafort se trouve heureusement vacant? J'en ai eu l'avis ces derniers jours, et s'il veut bien l'accepter, je serai charmé qu'il puisse lui convenir. Dans ces malheureuses circonstances, j'ai peut-être le droit de l'espérer, et mon regret est qu'il ne soit pas plus considérable. Le dernier acteur en tirait 200 livres par année, mais je le crois très susceptible d'amélioration. Ce n'est pas sans doute une place aussi considérable qu'il le mériterait, mais telle qu'elle est, s'il veut bien l'accepter, j'ai grand plaisir à la lui offrir, et je vous prie de l'en assurer. » L'étonnement d'Elinor, en recevant cette commission, aurait à peine été plus grand s'il lui avait fait l'offre de sa main. Cette place qu'elle croyait qu'Edward n'obtiendrait de bien longtemps et peut-être jamais lui était offerte. Il n'y avait plus d'obstacle à son mariage, et c'était elle qui était appelée à le lui apprendre. C'était en partie pour elle qu'on la lui donnait. Elle éprouvait là-dessus un tel mélange de sentiments contradictoires qu'il n'est pas étonnant que Madame Jennings ait attribué son émotion à une cause plus directe. Mais bientôt tout sentiment personnel s'effaça du cœur pur et noble d'Elinor. Elle ne sentit plus qu'une profonde estime et une vive reconnaissance pour le généreux colonel qui se privait lui-même de l'avantage qu'il pouvait retirer de son bénéfice pour obliger un homme intéressant et malheureux qui le regardait comme l'ami d'Elinor. Elle le remercia de tout son cœur, lui parla d'Edward avec les éloges qu'elle savait qu'il méritait, et promit de se charger de cette commission avec plaisir, si réellement il préférait qu'un autre que lui-même en fût chargé. Mais elle lui fit observer que rien ne pouvait rendre cette heureuse nouvelle plus agréable à M. Ferrars que de la prendre de la bouche même de son bienfaiteur. Elle désirait bien en être dispensée, et pour elle-même et pour Edward, qui souffrirait peut-être de lui avoir cette obligation. Mais le colonel, par des motifs de délicatesse, parut désirer si vivement que ce fut elle qui voulut bien remplir cet office qu'elle n'osa plus faire d'objection. Edward devait encore être à Londres. Anna lui avait dit son adresse. Elle résolut de lui écrire le même jour. Lorsque cela fut arrangé, le colonel la pria encore de dire à son ami combien lui-même se trouvait heureux de s'assurer un si respectable et si bon voisinage. C'est alors qu'il parla avec regret de la petitesse de la maison et de son peu d'élégance, et qu'Elinor lui répondit, comme Madame Jennings l'avait entendu, que ce ne serait pas un obstacle. Une petite habitation, ajouta-t-elle, serait mieux proportionnée à leur fortune. Le colonel parut surpris qu'Elinor eut l'idée de se marier d'abord. Les revenus du bénéfice de Delafort, dit-il, seraient suffisants pour un célibataire. Mais pour une famille qui s'augmentera peut-être beaucoup, et avec les habitudes de M. Ferrars, et une jeune femme qui me paraît aimer assez le monde et la parure, il me paraît impossible qu'il ait assez. Et je le trouverais imprudent de s'établir avec cela. Aussi je ne lui offre qu'en attendant mieux, et je ferai tout ce qui dépendra de moi pour lui en procurer un meilleur, qui le mette à même de vivre agréablement en famille. Ce que je fais à présent mérite à peine votre reconnaissance, puisque je n'avance pas le bonheur de votre ami, et je crains fort, je l'avoue, que l'événement que je désire ne puisse avoir lieu de sitôt. » Telles étaient les paroles par où le colonel finit, auxquelles Elinor répondit comme on l'a vu, et que Madame Jennings s'interpréta à sa manière. Elle fut bien un peu surprise d'entendre Elinor remercia encore le colonel lorsqu'il sortit et l'assurait de sa reconnaissance. Ces gens du grand monde, pensa-t-elle, ont de singulières manières. Quand j'épousai mon feu cher Jennings, il était aussi plus riche que moi. Je ne pensais point le remercier de m'épouser puisqu'il m'aimait, et je trouvais que c'était à lui d'être reconnaissant. Mais sans doute ce sont là les belles manières.